Trouvez-vous cela dangereux de conduire pendant que l'on téléphone? Et on s'écoute Rage Hunt in King Machine avec Killing. Ouais, tu l'annonceras. Ça vaudra mieux. On récupère Ivan.